Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Malheur à moi, car je séjourne à mes chèques, car j'habite parmi les tentes de Kedar. Mon âme séjourne trop longtemps avec ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix, ils sont pour la guerre.